Eric Ouimana sur la mise en onde. Merci de rester fidèle à votre station préférée, la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de journal de la mi-journée. D'abord essentiel. Les partis parrainés Radewusso convergent sur l'élaboration d'une feuille de route pour les élections 2020 comme point principal à évoquer une fois le cinquième round du dialogue interbondé convoqué qui se tiendra à l'extérieur du pays. Mais le parrainat suggère que des mécanismes de suivi de cette feuille de route soient mis en place. Une trentaine de candidats militaires, tous originaires de la province de Cibitoke, ont vu leur formation suspendue en province Bururi, c'était la semaine dernière. Ces candidats qualifient cette mesure d'injuste. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement des métiers annonce la date de passation de l'examen d'État, c'est du 7 au 10 août. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais en titre, le parti parrainé Imbogura Burundi souhaite qu'aucune question ne soit taboue une fois la cinquième session de dialogue interbondé convoquée. Selon Zénon Nimubona, président de ce parti, l'actuelle constitution ferait partie des points à l'ordre du jour car elle est contraire à l'accord d'Arusha. Il suggère également qu'il soit mis en place des mécanismes d'application d'une feuille de route. Il explique qu'il s'est avéré que la feuille de route de 2013 n'a pas été respectée. On l'écoute. C'est pour parler à Arusha, c'est une suite logique de ce qui s'est passé au quatrième round. Au quatrième round, il y a eu des points d'accord et des points de désaccord. Les points d'accord, il y a entre autres la croyance et la volonté de respecter les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, c'est une philosophie politique qui doit inspirer la constitution. Le gouvernement, à la quatrième round des négociations, a déclaré vouloir réformer la constitution conformément à la feuille de route de 2013. Ce à quoi le parrainat croit et accepte entièrement. Parce que la feuille de route de 2013 pour la révision de la constitution, deux éléments majeurs devraient être apportés. À savoir, la meilleure manière de garantir les équilibres prévus par l'accord d'Arusha. Maintenant que le gouvernement a révisé unilatéralement la constitution, contrairement à la feuille de route de 2013, il est question de revoir cette constitution. Sur base de cette constitution, voir comment on ne s'écarte pas des accords d'Arusha. Pour le parrainat, on considère que c'est un projet de constitution à laquelle il faut faire passer la feuille de route de 2013 et le code électoral de 2009, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas des points qui ont déjà trouvé des réponses sur lesquels il ne fallait pas y revenir? C'est le respect de l'accord d'Arusha, l'intégration de l'accord d'Arusha dans la constitution et le respect des principes convenus à Arusha et qui voulait connaître une rectification dans le sens d'amélioration à travers la feuille de route de 2013. Vous avez parlé d'échec de la mise en application de la feuille de route de 2013. Quels sont les mécanismes que vous suggérez une fois vous arrivez à un accord pour que la feuille de route soit mise en application? En 2013, on a fait confiance au gouvernement qu'il allait appliquer la feuille de route convenue. Tel n'a pas été le cas. Maintenant, il va falloir aider le gouvernement, lui adjoindre d'autres pour pouvoir faire respecter les mécanismes convenus. Zénon Imona, président du parti Parena, quant au parti Radebou, il trouve que la feuille de route vers les élections apaisées de 2020, la composition de la Commission nationale électorale indépendante, sont entre autres points qui devraient être évoqués lors du cinquième round des pourparlers interburundais d'Arusha. Le secrétaire général de ce parti dit que le dialogue est indispensable car il a déjà démontré que ses fruits dans le conflit burundais. Emmanuel Miburo indique toutefois qu'ils n'ont pas encore reçu l'invitation à ce dialogue. Je vous propose de l'écouter. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de carte d'invitation qui ont été déjà distribuées, mais on a déjà entendu que ces pourparlers sont en train d'être préparés. C'est-à-dire que au niveau de la médiation, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, il y a cette procédure de préparer le cinquième round. Mais pour nous, nous disons toujours que de toutes les façons, le dialogue reste toujours l'un des médicaments les plus appréciés et les plus précieux qui soient. Parce que, d'après l'expérience vécue, nous avons vu que le dialogue a été le médicament plus efficace par rapport aux autres. Parce que si, par contre, on utilise la violence, vous avez toujours vu que ça finit toujours par des échecs. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être à la table des discussions lors de ce round qui, pour certains, devrait être le dernier? Les négociations, comme je l'ai dit, ne doivent pas s'arrêter là. Les négociations doivent continuer à l'intérieur du pays. Donc, à chaque question, à chaque problème, à chaque mésentente, devrait y avoir des négociations, des pourparlers pour que la solution soit trouvée d'une façon consensuelle. Donc, pour le cas qui nous intéresse au niveau du Radebou, c'est d'abord comment préparer une feuille de route ensemble pour préparer les élections de 2020, comment préparer ensemble le code électoral, comment mettre en place la nouvelle équipe de la CENI. En principe, c'est ça pour que les élections soient libres, démocratiques et apaisées pour 2020. Et Poche Défense à présent 30 candidats militaires originaires de la province Chibitoke qui avaient débuté la formation militaire la semaine passée, sommet de quitter le centre de formation de Bururi une semaine après. S'insurgent contre cette mesure qu'ils qualifient de discriminatoire, même son de cloche avec les parents de ces jeunes rendus à leur famille. L'administration provinciale de Chibitoke indique que c'est une question à poser à l'endroit de la force de défense nationale. Détail avec Evariste Nzikobanyang. Ces candidats militaires de la province Chibitoke ont été embarqués dans des camions militaires en destination du camp militaire de Bururi en date du 15 juillet de la semaine dernière. Une semaine après, ces candidats composés de 24 hommes de troupes et 6 candidats sous-officiers ont été retournés dans leur famille d'origine, indique Patrick Niomungere, un de ces candidats sommés de rentrer chez eux. Arrivé à Bururi, on a vérifié l'âge de chacun et personne n'était en litige. Mais on a été surpris vendredi passé quand le commandant CI nous a mis en quarantaine. Après, l'on nous a conduit au bureau. Arrivé là-bas, on a encore vérifié nos listes dans le logiciel. Tout était normal. Mais le même commandant nous a recommandé d'aller nous préparer à rentrer chez nous et nous voici à la maison. Les parents de ces jeunes gens qui avaient réussi au test de sélection disent avoir été inquiétés depuis le jour de leur départ vers le sud du pays, comme l'indique un de ses parents. Mon enfant a passé le test comme les autres et m'a dit qu'il a réussi. Mais dimanche, quand je l'ai accompagné, j'ai entendu que quelqu'un l'a dévisagé et l'a mis de côté pour des raisons inconnues. J'ai tout fait pour l'approcher, pour lui demander ce qui s'est passé. Il m'a répondu que l'homme qui l'a dévisagé lui a demandé son origine. Je n'ai pas su la réponse qu'il lui a donnée puisqu'ils étaient au point de départ. Certains des parents de ces candidats indiquent avoir appris qu'ils ont été victimes d'être résidents de Chibitoke en provenance d'autres provinces du pays. Ce parent, qui fut militaire et handicapé de guerre, réside dans le site de Karorama, près du chef-lieu de Chibitoke. Il qualifie de division régionale ce qui s'est passé à leurs enfants. Quand mon enfant a été renvoyé, je me suis demandé, comme c'est le gouvernement qui nous a installés ici, alors que les autorités nous disent que nous n'avons rien à revendiquer de même que nos enfants, est-ce que le gouvernement ne peut pas nous ramener là où nous allons vivre paisiblement? Quand l'autorité te dit que tu n'as aucun droit dans sa province, il faut que tu sois retourné dans ta province natale. C'est ce que nous demandons. Au niveau province Chibitoke, l'on ne veut pas s'exprimer à ce sujet. Ils ont renvoyé le reporter de la radio Isanganiro sur place au ministère de la Défense et des anciens combattants. Merci Evariste Nzikobanyang et la rédaction de la radio Isanganiro n'a pas encore reçu la réaction du chargé de la communication des forces de défense nationale. Après une courte pause, on parle de l'éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h06 minutes, 64 000 élèves sortant de 40 sections de 1007 écoles sont candidats à l'examen d'État qui débutera le 7 août jusqu'au 10 août dans 77 centres de passation dans tout le pays. Comme l'indique le ministre de l'Éducation, Jean-Vierandi Lahisha, il demande aux concepteurs des épreuves de choisir celles qui concordent avec les programmes. En surveillant à l'examen d'État d'éviter la circulation des personnes étrangères au centre de passation et aux élèves de porter toujours l'uniforme pendant cette période de passation de l'ex-État. Écoutons Jean-Vierre Dilaïch. Le nombre d'écoles ayant des candidats s'élève à 1007 avec 64 000 lauréats regroupés dans 40 sections. Ces candidats sont répartis dans 79 centres de passation dans tout le pays. L'examen d'État va débuter le 7 août pour se terminer le 10 août 2018. En ce qui concerne les épreuves, les concepteurs vont choisir des épreuves qui concordent avec les programmes et les normes selon chaque section. Pour les concepteurs des écoles validatrices des curricula du poste fondamental, il faut tirer une attention particulière avec les techniques d'information de la communication, l'entrepreneuriat et la formation patriotique et humaine, sans oublier le dessin scientifique, qui sont les disciplines nouvelles à l'examen d'État. Des surveillants sont au nombre de 1800. J'ai quelques recommandations importantes à donner, surtout aux surveillants de l'examen d'État. Il faudrait lire la circulaire pour éviter tout dérapage, entre autres la circulation des gens étrangers au centre de passation et autres choses qui peuvent les compromettre. Aux élèves, ils devront être régulièrement inscrits dans leurs écoles respectives, habillés en uniforme propre, c'est-à-dire pas de cheveux défrisés, pas de tresses, pas de mèches, pas de boucles d'oreilles, pas de vernis sur les ongles, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter l'ordonnance ministérielle numéro 610-1076 du 17 juillet 2017 portant harmonisation du règlement scolaire pour les écoles fondamentales, du poste fondamental public et privé. Et toujours la page éducation, les élèves rapatriés de la Tanzanie dénoncent un faible niveau de savoir par rapport aux autres restés au Burundi dans la province de l'Uyigi. Des cours de rattrapage sont prévus pour plus de 600 écoliers sur un effectif total de plus de 5000 écoliers et élèves rapatriés. À la direction provinciale d'enseignement à l'Uyigi, on demande aux partenaires d'intervenir pour élargir l'effectif de bénéficiaires de ces cours de l'Uyigi, Jean-Claude Chemiuman. Un faible niveau de savoir se fait remarquer pour les écoliers et élèves rapatriés de la Tanzanie par rapport à ceux restés au Burundi. Les directeurs chargés de l'enseignement dans les communes Butaganzwa et Gisuru de la province Ruigi qui disent cela expliquent que ce faible niveau est dû au fait que certains écoliers et élèves en exil se font enregistrer dans des années d'études non encore méritées et que d'autres avancent de classe alors qu'ils n'ont pas étudié tout le programme d'enseignement. Dans le but de relever leur niveau, 6 à 67 écoliers rapatriés des trois premiers cycles de l'enseignement fondamental bénéficieront des cours de rattrapage en français et en Kirundi dès le début de l'année scolaire prochaine sur 18 écoles fondamentales dans les communes Butaganzwa, Bgeru, Gisuru et Nyabitsinda. En se référant à un effectif de 5357 écoliers et élèves rapatriés de la province Ruigi, identifiés par HOP 87, Félicien Nilagira, conseil pédagogique à la DPI Ruigi, demande à différents partenaires capables d'intervenir pour que le maximum possible d'écoliers rapatriés puissent bénéficier de ces cours de rattrapage, non seulement en Kirundi et en français, mais aussi dans les sciences. Néanmoins, ces cours de rattrapage ne serviront en rien à 4 élèves rapatriés en commune Butaganzwa qui ont étudié en Tanzanie en pratiquant l'anglais comme langue d'enseignement. Le directeur communal de l'enseignement dans cette commune dit qu'ils ont besoin d'une formation accélérée en Kirundi et en français pour qu'ils puissent acquérir les connaissances de base leur permettant de poursuivre leurs études dans le système burundais. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Quittons l'Est pour aller au sud du pays pour parler toujours de l'éducation. La contribution en argent exigée par certains parmi les directeurs aux enseignants pour le recensement ne requiert pas l'unanimité du côté enseignant. C'est un vol organisé vu que l'argent n'est même pas le même au moment où les directeurs concernés évoquent des frais nécessaires. Pour la réussite de cette opération, le directeur provincial de l'enseignement à Bururi dit n'avoir mandaté personne pour faire du business avec ce recensement de Bururi, Jean-Pierre Misanko. Selon Apollinaire Ndayemeye, représentant provincial du syndicat STEB en province de Bururi, le directeur communal de l'enseignement à Rutovu exige 900 francs burundais par enseignant pour la saisie à l'ordinateur des privés de son identification à côté de 200 francs burundais de photocopie de deux fiches d'identification. En zone Moeka de la commune Songa, certains directeurs exigent entre 2000 et 3300 francs burundais par enseignant pour cette saisie, selon Ndayemeye, qui exige de la lumière sur cette contribution des enseignants qui n'est pas exigée dans d'autres écoles, d'autres directions communales de la province de Bururi. Innocent Nakirutimana, directeur communal de l'enseignement à Rutovu, reconnaît cette contribution pour la saisie des fiches des enseignants des écoles qui n'en ont pas les moyens, ce que ni certains enseignants du lycée Routovou, dotés de plusieurs ordinateurs et qui exigent que cette contribution leur soit restituée. Antoine Saviumba, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, dit qu'une identification du personnel pour l'année 2018 est en cours, mais qu'aucun responsable scolaire n'a été mandaté pour faire de ce recensement du commerce. Il indique que celui ou celle qui se sera rendu coupable de ce commerce sera puni conformément à la loi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago du sud, au centre du pays, pour parler de la santé. Certains habitants du district sanitaire de Gitega font savoir qu'ils ont de la peine à se faire soigner et à faire soigner leurs enfants. Une fois tombés malades suite à la cherté de certains médicaments, mais le médecin chef de ce district dément en affirmant que les stocks sont suffisants et que même certains médicaments sont gratuits. De Gitega, Gérard Nibigir. Ce sont là les grognes de certains habitants du ressort du district sanitaire de Gitega qui expliquent que les médicaments sont chers par rapport à leur pouvoir d'achat. Et le paludisme étant la principale maladie qui les attaque, ils déclarent que quand ils en souffrent, ils achètent la quinine dans des pharmacies pour un prix variable de 5 000 francs à 6 000 francs la cure. Ils ajoutent que la quinine est le médicament renommé contre le paludisme, contrairement à d'autres médicaments qui leur sont octroyés au niveau des centres de santé. Ils demandent à l'État d'intervenir davantage en faveur de leur santé. Toutefois, le médecin chef du district sanitaire de Gitega, docteur Onesforo Nzigirabadia, affirme que le stock de médicaments est garni. Et ils ont des médicaments en quantité suffisante. Et en plus, ces médicaments sont donnés gratuitement. Il nous parle aussi des principales maladies enregistrées dans son district. Et dans notre district sanitaire, principalement les maladies qui sont rencontrées ici sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, les pneumonies, et mais également les maladies qui sont liées à la malnutrition. Sachez que le district sanitaire de Gitega compte la commune Gitega et la commune Guiheta de la province Gitega. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira, on a Bujumbura pour clore ce journal. Les déchets éparpillés s'observent à l'endroit du marché Kotebu de la zone urbaine d'Ongangara. Dans la mairie de Bujumbura, les marchands disent craindre que ces déchets leur causent des maladies des mains sales. Ils demandent aux organes d'habileté de les enlever. Reportage signé Roselyne Akindavi, stagiaire à la radio Isanganiro. Nous sommes au marché de Kotebu dans la zone urbaine d'Ongagara, là où est vendu les légumes. Au sein de ce marché se trouvent plusieurs personnes entourées par des déchets végétaux, mais également des sachets et des sacs en plastique. Un de ces vendeurs dit que ces déchets végétaux s'entassent parce que le véhicule qui est chargé de les transporter vient une seule fois seulement par mois. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit dans lequel on jette les déchets, mais il y a des poubelles modernes sur la route pour geler ces déchets. Ces poubelles sont remplies et personne ne les a vidées, et cela se fait depuis l'ouverture de ce marché. Certains vendeurs du marché de Kotebu qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro craignent qu'ils puissent attraper des maladies liées aux mains sales, étant donné que la saison pluvieuse approche. La cause de cet entassement de déchets est que le véhicule chargé de les évacuer vient une seule fois la semaine, alors que le marché est balayé chaque jour. Et le problème est aussi que les déchets s'entassent du jour au jour et le véhicule pour les évacuer et les enlever n'est pas disponible. Un des travailleurs chargés du nettoyage du marché de Kotebu souligne que ce qui les pousse à ne pas enlever ces saletés et que cela fait 4 mois qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. Dénonce également le manque de matériel pour nettoyer ce lieu et demande aux responsables de trouver solution à leurs problèmes. Merci Roselyne Akindavie, signalant que le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima, a indiqué que la raison principale de cet entassement des déchets végétaux est que le parking de tous les véhicules du transport des vivres de l'intérieur du pays se trouve au marché dit Kotebu. Il a en outre fait savoir que la mairie va bientôt accroître les travailleurs et le matériel pour améliorer le et améliorer leur salaire mensuel. Et avant de clore ce journal, environnement en bref, la protection de l'environnement et la promotion de la jeunesse pour lutter contre le chômage est l'objectif de Caritas Burundi. En collaboration avec l'encadrement des constructions sociales et aménagement des terrains pour son lancement officiel de la production des espèces de différentes variétés d'arbres dans le quartier Nyabugete 5 qui seront plantées dans les différents quartiers de Bujumbura. Le secrétaire permanent de Caritas Burundi indique que ce projet sera aussi répandu dans les autres villes du pays. Fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Rick Wimana pour la mise en onde. Et Linibel Nibigira, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.